Je pense que moi, toute ma vie doit sa poésie à la bouche. C'est les rêves et les clopes au chocolat blanc. Au de quelques décimètres, j'ai observé ce monde grand. Fait de bons, fait de méchants et de temps qui font les cons. Et la vie et mes 20 ans n'ont pas changé ma vision. Je me sens toujours tout petit, complètement impuissant. D'empêcher que tout s'abîme et que tout foute le camp. Je me sens toujours tout petit, complètement impuissant. Et de temps en temps, quand tout fout le camp, je me dis qu'il faut savoir vivre jamais 20 ans. Waouh, waouh, mais je le sens bien en tant que sénateur du sud avec un but fait de mes propres mains. Encore toute ma fougue et toute ma curiosité vacillant entre les fous dans la fausse naïveté. Les vies se distinguent et les saints, ceux qui me mentent sans arrêt. Et si les uns me font rêver, les autres me font méditer. Au fait que je vis entre un monde et puis s'en opposer. Et vois que deux terres diverses, voici que je suis étriqué. Entre deux façons de penser, soit deux façons de se moquer. Et de temps en temps, quand tout fout le camp, je me dis qu'il faut savoir vivre jamais ou maintenant. Wow, oh, wow, oh. Mais je le sens bien en tant que sénateur du sud avec un bouffet dans mes propres wow, mains. Oh, wow, oh. Je reste swingé à l'instinct, le temps de quelques sons. Et de belles chaussures. Pourquoi tout le monde est pressé à vouloir si bien saper? Ça pue l'arrogance et le dédain à plein nez. Je sais que c'est cliché, mais là je tiens le bouquet. Les jeunes battent la casse de miner à celle de Rockefeller friqué. Se met des adultes ses coins que rien n'amuse et ne distrait. Faut se les cogner dans la vie à chaque journée. Pourtant je l'ai facile et je ne suis pas hostile. Ce n'est pas une raison pour que je change mon style. Pour vivre à grande vitesse avant que de se rire les princesses. Que je me casse ou me blesse, bonheur homologué sans paresse. Wow, wow, wow, mais je le sens bien